Alors, est-ce que tu as ressenti pour une menace à l'égard de ton personnage? Alors, à l'égard de mon personnage, c'est soit la forme que j'ai rencontrée juste avant, là qui a brisé le champ, soit c'est le Staline, le comment qui s'appelle le petit Staline, Le passeur. le passeur, qui prépare un coup fourré, ou l'armée de Beograd qui arrive. Ce qui peuvent être celui qui coupe le champ aussi. Peut-être est-ce un éclaireur de l'armée. Voilà. C'est les C'est bon. deux ou trois pistes. Ouais. De précision au regard des mécaniques qu'on reformule, qu'on reprécise. Non, le seul point qui me paraissait encore assez flou en début de partie, c'était la vocation de sorcier qui a été bien très vite résolue et autrement j'ai compris à peu près le système donc moi je vois. Okay. La ville n'est que décombre. Vous êtes peu nombreux à errer dans ce qui subsiste des bâtiments de pierre et de béton. Partout, les années de vent, de neige, de glace, se sont déposées, ont modifié le cours des rues, détourné pour partie la rivière Aimée qui descend lentement des hauteurs montagneuses pour se jeter loin dans ce qui demeure pour vous un inconnu. Vous êtes attaché à l'aimer, c'est ainsi que vous appelez ces ruines dans lesquelles vous vivez. Vous avez conscience que d'autres vous considèrent tels des cafards qui entraient les ruines réduites à l'état d'animaux. Répondant à leurs seuls besoins. Toutefois, cette vue n'est pas celle que vous partagez. Vous, le peuple Yapodi, vous avez renoncé à la parole. Vous parcourez, sillonnez l'aimé. Vous en connaissez non pas tous les recoins, car elle est vivante, elle est changeante. Elle change au gré des saisons. Oh, elles ne sont pas nombreuses. la saison froide, la saison humide. Elle change donc au gré des saisons, mais elle change aussi au gré des cycles de la lune que l'on devine au travers de la brume. Une brume qui a des chatoiements jaunâtres où soude déverse régulièrement ses pollens jusque dans les mets et le cours de ses eaux les charrie loin au sud. Donc on est près des Balkans. On est dans les Balkans. En montagne, les montagnes ceinturent ce qui subsiste de cette ville du temps jadis. Moi, c'est Athènes, ça. Une ville en Macédoine ? De fait, dans la mesure où vous avez renoncé à la parole, vous n'avez que peu de rapports avec les gens en dehors de la ville. Mais des gens qui viennent dans cette ville, sur l'étroit chemin de montagne qui lie Loukator et au loin au sud à Beograd. Et donc on est bien plus au nord. Sont peu nombreux et ce sont les seuls moments, ceux que vous consacrez à vos relations avec ceux de l'extérieur, les autres, ce sont les seuls moments où vous départissez de votre résolution à abandonner les mots. Vous avez abandonné les mots pour votre survie, pour vivre la ville. Lorsque vous parlez à nouveau, c'est dans la mesure où vous vous situez en périphérie de celle-ci, loin du champ de l'Eidolon. C'est le champ qui baigne en permanence la ville. Il a des flux et reflux, à raison des saisons, des cycles de la lune, mais surtout des lubies, des douchani, qui ont depuis longtemps sculpté à leur mesure ce que fut autrefois cette cité. Mais dans leur sculpture vivante, vous demeurez. Vous résistez, ce qui fait de vous des hommes véritables, c'est votre constance à subsister dans ces ruines. Cette résistance dont nous faisons preuve. Vous êtes peu nombreux, vous êtes une poignée, voire moins. Il reste l'ancien. Il a désormais beaucoup de mal à adopter les pas de la danse que requiert le chant. Et puis, il y a l'ancienne. Mais entre vous, vous n'échangez pas de nom, vous n'avez pas de nom. Est diminué, il n'a plus les talents de danseur qui furent les siens autrefois. La danse est l'art de se mouvoir au sein des ondes que génèrent les Dushani, les ondes qui sculptent Aimé. Vous parcourez Aimé en épousant les ondes et en vous baignant en elles. Si vous n'agissez plus de concert avec elles, alors vous risquez d'éveiller la fureur des Dushani et disparaître. Car tout ce qui fait obstacle à leur grande œuvre, à ce que les Dolons s'élèvent, toujours plus puissants au sein de l'aimé, tout ce qui s'y oppose, tôt ou tard disparaît. Il est absorbé par le flux incessant des ondes, des chants répercutés sur les façades sur lesquelles les Dushani ont patiemment sculpté, imprimé leur volonté, leur vouloir sur la ville, et on peut à peu remodeler celle-ci à l'image de ce qu'il souhaitait. L'ancienne est moins atteinte. Elle peut encore se mouvoir, mais juste suffisamment pour t'apprendre les phases les plus complexes, mais là encore, on ne recourt plus aux mots. C'est l'observation, c'est l'écoute, c'est l'attention et l'ouverture aux ondes qui se meuvent alentour, qui permet d'épouser le flux, qui permet de se baigner dans cet ensemble. Et alors, on peut espérer atteindre une certaine forme de plénitude. On peut se contenter du peu de nourriture qu'offre encore Aimé. Dans les mares qui se forment sur ce que furent autrefois les places de cette ville du temps jadis, volent en amas denses des corps de mouches qui viennent se nourrir des végétaux qui et des algues qui poussent dans ces vasques peu profondes, et presque indiscernables au milieu de ces lianes pâles battues par les vents, battues par la pluie, vivent de grandes grenouilles grises qui, ma foi, rassasient son homme pour peu que l'envie, la faim ne soient pas démesurées. La chair n'est pas succulente, mais elle suffit à subsister. Mais surtout, c'est la muse que l'on cherche. Et par la danse, on trouve la muse. Muse règne. La muse est cet amas cotonneux qui se forme là où les courants de l'Eidolon sont les plus purs. De petites balles cotonneuses, duveteuses, blanches. Et lorsqu'elles arrivent à maturation, il suffit de percer la bille de muse, arrivée donc à plénitude, et d'inhaler à plein poumon. Alors, on peut lire, on peut voir, on peut entendre, on peut ressentir l'ensemble des courants. Et on peut pleinement vivre, aimer. Donc si je résume l'opinion de ce que peuvent se faire des gens qui en ont entendu parler, ça peut être, c'est des gens qui sont en fait des animaux et qui se droguent à joindre tout le temps pour essayer de survivre face au Dukor. Enfin, Dushani, pardon. Oui, tu peux le voir comme ça. Bon, c'est pas la vision que va s'en faire mon personnage. Pardon ? C'est pas la vision de mon personnage. Il est un peu... Il appartient à cette communauté, donc ce serait un peu bizarre de sa part. Cette communauté est réduite à portion congrue puisqu'elle comprend plus que 3 membres. Toi, l'ancien, l'ancienne, vous êtes les derniers Yapodi que compte l'aimer. Combien étions-nous au début ? Tu ne peux le dire au travers de mots, car on n'utilise pas les mots. Lorsque l'on parle, c'est avec les autres. Et lorsqu'on parle avec les autres, on parle de muses qu'on leur concède en l'échange de sensations, de souvenirs qu'ils veulent bien concéder. En revanche, le sentiment de plénitude, autrefois, il te semble qu'il était plus présent. Mais tes souvenirs sont si lointains que tu peines à te souvenir quand. Tu peines à déterminer depuis combien de saisons tu parcours aimé. Depuis combien de saisons tu t'es posé la question. On peut savoir en écoutant la ville qu'autrefois il y eut le pont qui enjambe la rivière torrentueuse Danube qui coule des hauteurs. Ça doit être le Danube. Ces eaux ont été enjambées par un pont qu'un homme véritable a bâti autrefois. Alors, c'était des cohortes d'hommes innombrables qui circulaient sur ce pont. Ce pont scellait une victoire des hommes de la ville sur des forces obscures. C'est l'une des infrastructures qui subsistent presque intègres. À cet endroit, les Doylons épousent ce qui subsiste et pour l'essentiel, tout est présent, l'entablement. Même certaines sculptures sont encore en place. Et donc, là, il y a un mot qui demeure une expression, mais qui reste obscur, comme enfoui. C'est le most, le pont, le most, le zmaski most, Zmarski, c'est, ça désigne tout l'obscur de la Terre, tout ce contre quoi les hommes autrefois résistèrent. Quand ces terres s'appelaient encore Kolchik. Kolchik. Ah, ok, donc on est sur les rives de la Mer Noire, dans les Balkans, et il y a le Danube qui passe, grosso modo. C'est toi qui te... qui fais à ta sauce. J'essaie de me situer dans ma tête, c'est tout. Est-ce besoin de te situer un peu plus? Donc là, tu as, je pense, une grande partie du décor. Mais... sur la fiche, il y a besoin de non. On n'avait pas les filles. Non, parce que tu n'en as pas. Comme nous l'avons évoqué, ou comme je l'ai évoqué. Voilà, mon nom, c'est ça. Ça t'a ouais, tu peux gommer, tout simplement. Alors, lorsqu'on acquiert un nom, c'est que on quitte la communauté. Parce que alors on n'est plus Yapodi. Parce qu'on a renoué avec les mots. Si on noue avec les mots, on ne peut plus vivre dans la ville. Et c'est un choix qui appartient à chaque membre de la communauté. Et peut-être qu'une part de la réponse à ta question se situe là. Peut-être que tous n'ont pas disparu du fait des Dushani eux-mêmes, mais peut-être simplement trop nombreux ont été ceux qui ont renoncé à vivre aimé. Ah ah ah, jeu de mots, vivre aimé. Oui, c'est que maintenant que j'ai réagi. Donc j'imagine non plus que j'ai pas besoin de description sur le coup, ou est-ce que c'est... Alors, on a évoqué le fait que tu inhalais le contenu de ces balles cotonneuses et de façon régulière. Ouais, donc je suis un addict. Tu as une accoutumance à cela. Et c'est utile à certaines périodes de l'année, lorsque on se situe dans la saison froide. Et au-delà de cela, lorsque tu as inhalé récemment de la muse, lorsque toi brûlé, tu es sous muse, tu ne recours pas à tes sens de façon classique. Ils se mêlent les uns les autres. Donc notre communauté, c'est en quelque sorte... une forme de synesthésie avancée. Tu ressens les vibrations qui parcourent la ville, les ondes, tu les interprètes directement et la vue, les odeurs, les sons se mêlent et créent un nouvel espace de connaissance. Et tu acquiers par moments des visions fugitives du passé lorsque tu restes suffisamment longtemps à écouter le chant d'Eidolon. Alors, tu entends des choses qui sont survenues autrefois, comme... la certitude que de nombreux hommes ont parcouru le Jmatski Most et que celui-ci fut érigé en mémoire de ceux qui ont dominé la Kolchik, le nom qu'avait ce territoire autrefois. Tu te souviens même du héros qui est célébré qui fut célébré. Alexandre. En cette ville, au travers de ce pont, parce qu'il a terrassé les êtres néfastes que renfermait la terre, il a su les dominer, il a résisté à leur emprise. s'appelait Jason. Ouais, donc je suis parti trop loin avec mon Alexandre le Grand. Je crois pas qu'il soit parti en Colchine en plus, non. Jason et... La Toison d'Or. C'est les Argonautes. Nous sommes les Argonautes. Donc, j'ai dit que nous étions en marche. Tu n'as pas besoin de décompter, mais tu sens dans les fluctuations du champ que vous êtes le quatrième jour de ce cycle. Tu le sens, tu le sais, tu le ressens. Et ça, c'est en raison de ta prise récente de muse. Tu es sous muse. Donc tu ne vois pas à proprement parler, tu ressens les courants de l'Eidolon. Et tout est mêlé. Le présent, le passé. Certains considèrent aussi, et tu partages leurs sentiments, leurs sensations, le futur. C'est ce que pense l'ancien. Mais l'ancien pense aussi que son heure, en ce jour, est venue. Il n'a plus la force de parcourir la ville. Il souhaite renoncer, mais renoncer en contemplant une dernière fois la ville, et il te faut l'accompagner dans son dernier cheminement. Il te faut l'aider. Te sens-tu disposé à le voir ainsi renoncer à son parcours? Il est douloureux pour moi, comme je le suppose pour l'ancienne, de savoir que c'est sa dernière heure. Elle estime pour sa part qu'il n'a pas suffisamment de Yapodi en lui, qu'il a été gangréné de maux et qu'il est resté trop longtemps sur les rives d'Aimé à contempler ce qui se tramait en contrepasse sur les bierges à mauvais escient. Elle est reproche, elle n'est pas compassion. Pourtant, elle a été la compagne pendant des saisons, des cycles innombrables, tu le sens. Peut-être était-ce ta mère, peut-être était-ce ta grand-mère, peut-être était-ce ton arrière-grand-mère, elle te semble infiniment âgée. Omnes vulnerant ultimas necat. Tu reconnais le proverbe? Ça veut dire toutes te rendent vulnérable ou t'affaiblissent, plus français. La dernière, elle tue. C'est par rapport aux heures. C'est un proverbe latin. Et donc tu l'accompagnes plein de dépit, mais vers la périphérie. Et à mesure que tu progresses, les effets de l'Eidolon s'amenuisent dans les rues, parce qu'il subsiste encore des immeubles, mais bien souvent ce ne sont que les façades, une partie de la façade qui a été préservée, ou alors elles sont percées de grandes échancrures. On se demande comment la pierre a ainsi fondu. Enfin, on se demande sans se le demander. Ce sont ces ombres qui se glissent depuis des nuits immémoriales du haut du Jmaski Most et qui hantent Aimé et qui sculptent Aimé inlassablement. J'ai dit que parfois il t'advenait de rencontrer d'autres. Parmi ces autres, il en est un qui revient cycle après cycle. En général, lorsque l'Eidolon est au plus fort, juste avant le regain de la Bora Scura, lorsque le vent des cimes souffle à tel point que il est inutile d'espérer parcourir la ville. Et il est type géorgien Bah, il a des yeux plutôt bridés et il ressemble au géorgien classique. C'est un errant, un autre. Il ne fait pas partie des Yapodi, mais il vient régulièrement et il attend de vous à la périphérie sur un promontoire qui domine les hauteurs de la ville où l'on peut contempler les eaux de l'Aimé s'écouler vers le bas des montagnes. Et là, il vient pour votre récolte. Et vous avez coutume de lui échanger votre récolte contre des souvenirs qu'il vous concède. Des souvenirs qui n'appartiennent qu'à lui. Des souvenirs qu'il chérit et qu'il vient transporter pour vous. Et qui fait que votre partage de la ville, votre vie au sein d'Aimé, acquiert un sens. Car vous êtes convaincu qu'en prenant ces souvenirs, vous vous donnez plus que votre récolte de muse. Vous lui concédez autre chose. C'est qu'une intuition fugace, mais vous en êtes convaincu. À votre contact, il est à chaque fois différent en repartant. Son aura est altérée. Et en ce jour de deuil annoncé, alors que vous quittez les derniers faubourgs d'Aimé, vous savez que vous le trouverez dans la petite cabane de bois qu'il a bâtie à la périphérie de la ville, sur le promontoire, dans l'axe où il peut contempler l'écoulement majestueux des eaux, mais surtout, et vous savez qu'il nourrit une grande angoisse à cet égard, dans l'axe principal où erre la créature qui hante et trouble Eidolon. Car depuis quelques cycles, par intermittence, émergeant du flux des champs dans un fracas de pierres brisées, émerge un être décharné, vêtu d'oripeaux de pourpre, et vous ressentez l'importance que la pourpre a pour cette créature. Cette créature qui émet des ondes que vous ne comprenez pas, qui sont que dissonance. Vous ne l'avez vu que de très loin et vous l'avez vu s'opposer directement au Dushan. Et depuis que cette créature est apparue, le passeur, c'est ainsi que vous le pensez, le passeur qui embaume le tabac et qui vous attend toujours patiemment, il s'installe et sait que vous viendrez à lui lorsque la récolte sera mûre. Il s'installe dans sa cabane et attend. Mais depuis que la créature est apparue, il attend avec un soupçon de peur en lui. Une peur différente de celle qu'il vous a confiée lors de son précédent passage. Il vient de terre au sud, au-delà même de Beograd, où les autres se préparent à la guerre. Mais plus au sud, on redoute pire encore que cette guerre à laquelle se préparent les autres de Beograd. Mon ami, c'est l'ancien, de ses voix amenuisées, il peine à gravir la pente qui mène jusqu'au sanctuaire. J'aurais besoin maintenant que tu me portes. Mes jambes se dérobent. Mon souffle est court. Ma vie bientôt s'achèvera. Porte-moi jusqu'au passeur. Je m'attelle à la tâche. Tu le soulèves sans peine. Il est tout maigre, engoncé dans son gilet et tu son gilet de laine élimé, râpeux, endur râpeux par les ans et les intempéries. Et tu sens que bientôt, très bientôt, alors même que vous serez arrivé, déferlera la boja, le vent des cimes. Vous réfugiez donc dans la cabane où se trouve le passeur. Et alors que vous refermez la porte, effectivement, le vent se lève, impétueux. Ce sont des bourrasques soudaines qui déferlent des hauteurs. Dans les esprits que tu as pu sonder du passé, il est dit que ce vent n'est pas totalement étranger au Dushan. Et ce vent souffle, emporte, arrache, sculpte un peu plus. Mais vous êtes arrivé à temps. Vous êtes au-dedans. Le vieux est triste. Il ne voit plus. Le vent souffle au dehors. Ses yeux sont morts. Ils ont maintenant la couleur légèrement jaunâtre. Les reflets que jette lorsqu'on l'observe et que le soleil est haut dans le ciel l'amuse lorsqu'elle est bien mûre. Cette même couleur qui teinte l'air alentour les jours où des vents moyens soufflent paisiblement pour rafraîchir la ville après la pluie, après les pluies de rouille, lorsque l'air est chargé du pollen du soud. Ses yeux en sont saturés. Et ont cette teinte mort dorée, mais tu les sais morts, définitivement morts. Et il te dit, avec des mots, j'entends la Bora Skoura, elle rappe. Je l'entends enfin. Je l'entends vraiment. C'est terrible. Mais l'ancienne est toujours là-bas et je ne sais pas si je pourrais la revoir. Pourras-tu lui transmettre mes mots ? Oui. Renonces-tu au silence ? Ou restes-tu simplement à dialoguer par ce qui subsiste en lui d'Eidolon, du chant d'Eidolon, ce chant qui s'amenuise à mesure que forcit au dehors la bourrasque. À n'en pas douter, la bourrasque du jour durera longuement et probablement plus que son agonie. Acceptes-tu de porter mes derniers mots à l'ancienne ? père, j'accepte, un père, je n'accepte pas. Enfin, tu ne veux pas choisir par toi-même? Je sais pas du tout. J'accepte. Si tu l'acceptes, ce sera une forme de renoncement pour toi-même, puisque tu devras, au sein même de l'aimer, recourir aux mots pour les transmettre à l'ancienne. Échanges-tu ce vœu solennel avec l'ancien ? Oui. Là, tu sens sa main fébrile serrer très fort ta main, la presser et... Mon ami, il est revenu. Il faut le préserver. Avance. Il viendra sur la berge. Lorsque le soleil reparaîtra, il vient cueillir la muse. C'est notre petit-fils. Dis-le à l'ancienne. Donc tu peux te noter une empreinte. Une empreinte, oui, puisque tu as accepté de renoncer au silence. J'ai renoncé au silence pour transmettre le message de l'ancien. Je vais faire mettre renoncement au silence. Et tu sens sa vie s'échapper à mesure que sa main qui enserrait la tienne très fortement, aussi fortement que les vents pressuraient les bois au dehors, relâche progressivement et glisse au-dedans, semble fondre dans la tienne. La chaleur s'évanouit, ses yeux se ternissent. Il expire. Donc j'ai noté renoncement au silence pour transmettre le message d'un mort. Le passeur est inquiet. Pour autre chose, il n'a même pas noté dans un premier temps la présence de l'ancien. Il est tout entier à l'idée de repartir au plus vite. Car il a aperçu d'étranges mouvements alentour. Il est profondément inquiet. S'empare de la maigre récolte et pour en quelque sorte se faire pardonner son attitude, il t'offre une petite pipe en terre et un peu de son tabac odorant. Le vilain. Et lorsque tu saisis la blague de tabac, tu le vois lui souriant, assis sur un tabouret. De fait, le souvenir est étrange. C'est pas un souvenir qui émane de lui, puisqu'il est l'objet du souvenir. Tu vois un regard aimant, un regard qui provient de quelque chose qu'il suit des yeux. Il l'observe avec bonhomie, celui du point de vue duquel tu ressens ces souvenirs. Et tu sens toute la joie à courir le long de la rivière, à essayer d'attraper une libellule vrombissante, une terrible libellule. Je vais l'attraper. Qu'elle est bonne à croquer sous la dent. Donc ça commence à fille. C'est un souvenir de son fils. Pleine. Tu as le droit de le noter. N-G-O-C L-E-J-N plus loin. N-G-O-C plus loin. N L-E-J-N pas. Puis malgré le danger que certains que représente la Bora Scura, le passeur s'emmitoufle dans sa houppelande, attache son chapeau, ajoute une chafka, passe. C'est une, le chapeau traditionnel. Celui qui est comme ça et où ça descend comme ça. Il passe par-dessus ses épaules une grosse peau de zibline qui sangle avec du cuir. Il emmitouffe ses mains dans ses gants, se zizit de son vieux fusil. Il t'épingle à la poitrine en pensant t'auras plus fière allure comme ça, mon gars. Et il part dans le vacarme assourdissant de la Bora Scura en pensant à son fils. Qu'est-ce qu'il a fait en épinglant? Non, j'ai pas compris. La petite épingle qu'il portait en boutonnière orne désormais ta tunique. Elle figure une faucille et un marteau. c'est une version de. C'est la version Staline, le marchand de. Non. Staline, le marchand de drogue. C'est ça. C'est... Il a abusé de l'opium du peuple. Donc, lorsque le vent. S'amenuise enfin, lorsqu'il meurt tout à fait, et après avoir jeté un dernier regard à la dépouille de l'ancien, tu regagnes l'aimé. Mais, attends, s'il reste dans la cabane elle va puer! Est-ce que tu souhaites faire autre chose pour l'ancien? Bah, disons que le mettre dehors, c'est un peu déshonorer son corps, et que le laisser là, c'est juste pas bon pour nos... Alors, qu'auras-tu fait? Je l'aurais laissé là. Naturellement, la dépouille sans âme. T'as dit qu'il y avait un fleuve. Oui. Le fleuve. Mais lui, il souhaitait remonter sur le promontoire pour que il domine une dernière fois Aimé. Donc c'est qu'il souhaitait mourir à cet endroit. Après, tu peux choisir de l'enterrer, de l'exposer aux éléments. Alors, l'enterrer, c'est un peu... Bah, disons que... La procédure la plus simple, compte tenu qu'il n'y a aucun outil à ta disposition... C'est de le laisser là, j'avais bien compris. Ou de le mettre... Ou de l'allonger et de créer un monticule de pierre pour protéger son corps des vooks. Ah, les vooks. Donc, je le mets à 2 mètres de la cabane. Mm. Et je recouvre son corps de pierre. Je mets un petit bout de bois sur le monticule de pierre. Et j'en croise un autre pour qu'il fasse une croix, non pas droite, mais... D'accord. Tu regagnes ensuite la ville après avoir rendu tes derniers hommages à l'ancien. Et tu rejoins bientôt l'ancienne. Tu la trouves dans ce qui vous sert de refuge, un bâtiment imposant en pierre, dont il subsiste encore quelques verreries, quelques huisseries, des portes qui ne sont pas branlantes, qui ne grincent pas et que vous avez entretenues et qui vous servent de refuge lorsque vous êtes trop éprouvé, trop fatigué, trop faible pour parcourir Aimé. Elle y est restée cloîtrée pendant toute la durée de l'agonie de l'ancien. Elle t'attend. Elle sait que tu as quelque chose en toi de changé. Son attitude à ton égard est également altéré. Qu'exprimes-tu à l'ancienne? L'ancien me demander utilises-tu les dolons et le chant ou conformément au souhait de l'ancien lui parles-tu avec des mots? Je le fais conformément à la... Tu n'as donc pas repris des dolons? Tu n'as pas absorbé pardon de muse? Non. Tu as renoncé pour pour ce temps, pour cet instant, tu es exempt du chant des lelons, il ne te baigne plus. Tu contemples la vieille femme ridée qui sent la sueur, l'urine, les excréments, qui est sale comme un peigne parcouru de vermine. Et tu lui parles avec des mots. L'ancien m'a demandé de te délivrer ce message. La bête qui... J'ai plus de tête. exactement ce qu'il m'a dit. Je te redis ce qu'il t'a dit, parce que, à n'en pas douter, tu t'en souviens, tu t'en souviendrais réellement, compte tenu de l'importance que ça a revêtu pour ton personnage. Excuse-moi. Il a dit que elle devait se rendre sur la berge, que là s'y rendait, il s'y rendait, qu'il allait y cueillir la muse lorsque le le vent cesserait, il serait sur la berge, leur petit-fils, qu'il fallait qu'elle le protège, qu'elle le préserve. À ces mots, elle réagit vivement. Tu ne comprends pas ce qu'elle profère, c'est sont des sons qui te sont inaudibles, inarticulés, et elle se redresse et sort en claquant la porte, telle une furie. En train de m'engueuler parce que je respectais ma parole. Que fais-tu? Restes-tu dans votre refuge? Le vent est réduit à portions congrues. La suis-tu au dehors? Prends-tu de l'Eidolon? Reprends-tu le chant de l'Eidolon en inhalant de la muse? Pardon? Est-ce qu'il faut que je m'arrête pour inhaler de la muse? Pardon? Est-ce qu'il faut que je m'arrête pour inhaler de la muse? Ça prend un peu de temps, mais si tu inhales de la muse, tu ne pourras plus parler. C'est pour rejoindre la... J'ai délivré le message, soit je peux recommencer à devenir... C'est toi qui me dis ce que... Je prends de la... Je... Tu inhales de la muse? J'inhale de la muse. Mais je pousse la... ce qui sert de porte. Je la referme. Et je cherche l'ancienne. Qu'a-t-elle donc dit? Gorgé de muse, il n'était absolument pas difficile de suivre sa trace, son sillage. Il n'est que désordre dans le flux de l'Eidolon. Au mépris de toutes les règles de la danse, au mépris de l'harmonie, elle a foulé le sol là où il ne devait pas l'être, où tu vois ses empreintes s'enfoncer dans la terre, puis des éboulis qu'elle a foulés à bas. C'est un sillage de désordre que tu suis. Est-ce que tu la suis directement ou tu prends le chemin adapté pour suivre à n'en pas douter le sillage? Tu ne pourras pas le perdre. Mais choisis-tu d'adopter la même posture à l'égard du champ? Si jamais une bête me tombait dessus, il serait... Donc. Si tu adoptes le chemin et tu épouses le champ des Dolons, tu parcourras le chemin qu'elle a parcouru beaucoup plus lentement. Oui, mais au moins c'est sûr, j'aurai pas de problème avec les monstres. Alors qu'elle, il y a beaucoup de chance. Et si je suis son chemin, on va me repérer aussi. Donc, après c'est juste peut-être débile, mais pour moi c'est... Donc tu la suis en respectant les règles qu'elle t'a enseignées et que l'ancien t'a enseignées pour épouser le chant des Dolons et ne pas troubler plus qu'il ne l'a été... celui-ci. Des traces subsistent, mais tu dois prendre des chemins détournés, et même si au bout d'un de ce qui te semble un temps long, tu finis par apercevoir sa silhouette émaciée en contrebas d'un monceau de ruines aux abords de la rivière. Le chemin qui s'offre à toi, le chemin qui préserve Aimé, ne va pas dans cette direction. Il faut que tu te détournes d'elle pour mieux la retrouver ensuite. Tu l'aperçois donc un moment s'agiter sur la berge, puis tu t'éloignes, tu t'en éloignes pour suivre l'une des perspectives où là, de grandes plaques de béton sont comme vitrifiées et recouvertes presque intégralement d'une fine pellicule de ce qui deviendra plus tard de la muse, une pellicule de coton d'un blanc légèrement jaunâtre. Elle est en train de mûrir, elle va bientôt arriver à maturation. Ici, pas d'insectes, pas de grenouilles. L'humidité est loin. Elle suinte sur les murs, mais elle ne baigne pas les sols. Et tu entends un craquement. Un craquement qui rompt avec le chant. Tu entends une vibration. D'où je te voilà. De voir un ouvrage patient réduit à néant et ensuite la satisfaction de pouvoir corriger celui qui a contrefait l'ouvrage. Un douchanis tient très près de toi en contrebas de la place. Ça tonne, ça résonne sur cette place, mais tu sais qu'il est à l'œuvre et tu sens les ondes de l'ancienne faiblir dans le flux de l'Edolon. Tu sens qu'elle échappe. Que fais-tu ? Il ne faut pas se meurt aujourd'hui. Elle a déjà pris de trop grands coups. Je rentre plein de dépit, plein de remords, mais sûrement, et en suivant les enseignements, tu rentres au refuge. La route du retour, désolé pour le couac sonore, sur la route du retour, tu perçois une autre dissonance. Tu n'es pas certain, mais tu t'arrêtes. Tu es presque rendu au refuge. Tu sais que l'ancienne a rejoint maintenant. L'ancien, que tu es le dernier d'entre les tiens. Et pourtant, il y a une présence. Une présence qui n'est pas celle d'un Dushani. Sa colère est lointaine. Maintenant, elle est apaisée. Le chant de l'Edolon a repris son cours avec une force accrue, une volonté de réparer ce qui a été brisé, de rétablir le flux. Mais là, c'est quelque chose qui trouble le sillage. Tu t'attardes ou tu poursuis ta route jusqu'au refuge? La communauté s'est réduite drastiquement en ces quelques heures. Et peut-être pourrais-je faire renaître la communauté de ses cendres. Je m'attarde donc à... Et t'essayes de voir ce qu'il en est. Oui. Alors observer, alors que tu es chargé, tu viens de prendre force de muse, est un effort important, surtout après les perturbations qu'ont connu le champ. Mais tu parviens à discerner une forme en contrebas de l'endroit où tu te tiens, deux silhouettes qui semblent assises à contempler la rivière, et tu entends une dissonance sans la comprendre, et tu vois une troisième silhouette qui fend et rompt le champ, et les trois disparaissent. Ah non. Que je fasse le... Je t'écoute. Qu'as-tu pensé de ce que nous avons joué? Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, même si au premier abord, je me suis dit, mais ça, c'est pas vraiment une bataille. Et en fait, si, c'est une bataille face au forêt, un champ de bataille face au forêt de Millevaux. C'est le lieu où ils se sont rencontrés. Où, d'ailleurs, il y a le pont qui est le pont d'un groupe armé créé par un groupe, c'est ça, qui a été construit par un groupe armé pour que le groupe armé passe. Et donc moi, ça m'a plutôt intéressé, le truc. J'ai trouvé l'histoire très prenante. Après, le fait que je me rappelle pas de la phrase de l'ancien, c'est pas que je m'y intéressais pas, c'est simplement que j'ai une mémoire sélective. Ou une mémoire d'écureuil, à toi de voir. L'ambiance était très sympa, et on aurait pu, aisément le mettre dans un film un peu assez sombre, dans... Par exemple, bon, je sais que je casse les pieds à toujours en parler de ce film, mais il dit Smatri, où il y a très très peu de dialogues. Les seuls dialogues qu'il y a font avancer le récit, le font beaucoup avancer. Les phases sans dialogue le font aussi avancer, mais le font avancer d'une manière différente. Et j'ai trouvé qu'on retrouvait cette chose-là ici. De plus, il y a une dimension assez sombre qui est la disparition d'une communauté, qu'on voit aussi, même s'il y en a plusieurs qui sont qu'on voit dans Idis Matri. Et donc voilà, c'est le petit comparatif avec Idis Matri, parce qu'il faut toujours que j'en fasse un.